Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, je me trouve aujourd'hui avec deux membres de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Pierre Debrac, bonjour. Salut Vincent. Pierre, tu es l'auteur d'un livre édité aux éditions Contre-Culture, Le Cercle Proudhon, et tu nous accompagnes aujourd'hui pour une revue d'actualité. Exact. Dimitri Corias, bonjour. Salut à tous. Alors toi, donc, tu es également un membre de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Tu as écrit aux éditions Contre-Culture toujours La télévision malade du sionisme. Ouais. Chers auditeurs, nous avons fait le choix aujourd'hui de vous présenter une revue d'actualité avec donc nos deux auteurs Contre-Culture et membres de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Est-ce que vous êtes prêts, Dimitri Corias, Pierre Debrac ? Tout à fait, Vincent. Absolument. C'est parti. Nuit debout, donc, c'est un mouvement qui est en ce moment en place de la République depuis bientôt un mois. Donc je sais, Pierre Debrac, que toi tu as eu l'occasion d'y aller avec la section Lyon, c'est ça ? Pas forcément avec la section Lyon, mais j'ai mis les pieds à Nuit debout, effectivement, on à a, Lyon. On a vu passer un article où justement, et une vidéo où il parlait de... Je peux récapituler la généalogie de l'affaire si tu veux, s'il te plaît. En 30 secondes. Eh bien écoute, par curiosité, je suis parti accompagné de certains camarades voir ce qui se passait sur place à la Nuit debout. Place Guichard pour les Lyonnais. J'ai constaté qu'il n'y avait strictement rien à en tirer au point de vue politique sérieux, voilà, que ce mouvement n'était qu'une énième résurgence de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie gauchiste mai 68. Voilà, ce n'est que la forme 2016 de ce mouvement-là. Et il ne s'est strictement rien passé. Par contre, j'ai eu l'honneur de constater quelques jours après, via des sites internet et des articles de médias citoyens et contestataires, et qu'on pourrait clairement qualifier d'antifascistes, puisque c'est comme ça qu'ils se revendiquent, que nous avions été interpellés, voire mis à l'écart, voire pratiquement chassés, la queue entre les jambes, du fameux Nuit debout Lyon. Alors, je profite de ce petit intermède au micro pour rétablir la vérité. Nous sommes passés un vendredi soir, un quart d'heure, sous la pluie. Personne ne s'est revendiqué de quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, contrairement à ce qui est souligné dans ces articles. Je ne vais pas dire mensongers, mais je vais dire fantasmés. Et nous en sommes partis de nous-mêmes, une fois constatée l'inanité de la chose, quoi. Voilà. Et personne ne nous a demandé de quitter les lieux ou quoi que ce soit. En clair, il ne s'est strictement rien passé. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque qu'ils ont besoin d'un danger fasciste pour exister. En soi, ce mouvement... est assez impalpable. Quand on va jeter un œil, même assez longtemps, sur leurs documents officiels, sur le net, hein, il s'appelle le mouvement, je crois, maintenant du 56 mars, donc ce qui veut dire qu'ils ont environ 26 jours d'existence, on voit quelque chose de très, très organisé, avec des nuits debout dans toutes les villes de France, voire dans quelques pays étrangers, mais ça n'a pas l'air de prendre. Alors, il y a des endroits où ça n'a pas pris du tout, hein, comme dans le 93 ou alors dans les quartiers nord de Marseille, ce qui est assez drôle. Ah, ça, c'est un problème sociologique fort, et d'ailleurs, je sais que ça les contredit et ça les interroge beaucoup, parce qu'on a vu passer de nombreux articles à la revue de presse où ils sont attristés de ne pas réussir à mobiliser les banlieusards, ce qu'ils appellent les banlieusards. Voilà. Le train du peuple, les wagons du peuple ne s'accrochent pas à la locomotive Nuit debout. Alors c'est un petit peu dérangeant pour un mouvement qui se veut populaire, de gauche. Et malgré tout, un Nuit debout qui a émergé à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, oui, qui pour a été... lutter contre les dealers. Alors, il y a un mouvement Nuit debout, là, pour le coup, véritablement citoyen, et ce sont des habitants des quartiers qui en avaient marre, effectivement, de la présence de dealers, qui, eux, se sont levés, ont passé une nuit blanche, et même plusieurs, profitant d'ailleurs de la médiatisation de Nuit debout, pour montrer que là, il y avait une Nuit debout avec une véritable réalité et un vrai besoin derrière. Alors moi, pour nos auditeurs, je me suis rendu place de la République, il y a de ça 4 ou 5 jours. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est assez paradoxal. Moi, j'y suis allé non pas par provocation, comme eux pourraient le penser, mais vraiment par curiosité, et pour voir jusqu'où allait leur démocratie, leur prétendue démocratie directe. Participative. Participative et directe. Donc je m'y suis rendu avec mon caméraman et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il m'accueille vraiment durement par des crachats comme il l'avait fait avec Finkielkraut. Est-ce que tu peux préciser, ouais, donc il y allait après l'affaire Finkielkraut. 3 jours après. Donc je m'y rends et en fait ils m'ont fait une technique d'aïkido, c'est-à-dire que ils m'ont donc accueilli assez gentiment, il faut le dire. Donc moi je me suis promené pendant 25 minutes dans la place de la République, donc ce que j'ai vu. Est-ce que tu as été identifié à ce moment-là ? J'ai été reconnu par des gens qui m'ont suivi. Par plusieurs personnes même, y compris par des sympathisants d'Égalité et Réconciliation qui étaient là et qui me disaient « Vous êtes suicidaire, pourquoi vous êtes là ?» Donc moi ce que j'ai vu sur la place de la République, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc j'y suis allé aux alentours de 16-17 heures. Donc j'ai vu énormément de monde, j'ai vu un mouvement qui est très bien organisé, avec plusieurs stands, des commissions LGBT, commissions féministes, commissions démocratie, commissions et des commissions dans tous les sens, 15 commissions, des cercles. Il n'y a pas qu'un seul cercle, hein, il n'y a pas qu'une seule assemblée générale, il y a des cercles en plusieurs endroits de la place. Des agora. Avec des heures, 17h, 19h, des rendez-vous. C'est quand même très bien organisé, ils ont du pognon, il faut le dire, puisque moi j'ai vu leur radio debout. Alors, ils ont plus de matériel que nous. Pourtant, leur mouvement a un mois. Donc ils ont beaucoup de micros, d'ordinateurs, donc je me demande d'où vient leur matériel. Une pluie de dons, j'imagine. De dons participatifs. Non, absolument. Mais c'est clairement une question très intéressante, d'où vient l'argent, mais de toute manière on sait très bien, enfin je veux dire, ils ont des scènes aussi, hein, y a du matos pour faire des concerts, des choses bien comme sûr, ça. Bien sûr. Donc il y a un partenariat avec la ville, il y a une autorisation de la ville. De fait. Il y a certainement des financements avec la région. Enfin, par exemple, à Lyon, j'ai vu au stand, la sorte de librairie, j'ai vu énormément de revues financées, promues par la région Rhône-Alpes. Oui, mais alors là, on peut dire aussi que peuvent s'agglomérer à ce mouvement des associations ou d'autres mouvements qui sont dans le même esprit. Donc ça, c'est pas interdit. Je veux dire, le Nuit Debout, c'est ultra-fédérateur à gauche ou à l'extrême-gauche, et c'est même d'ailleurs une espèce de melting pot, une bouillie politique qui permet à tout le monde, avec un tant soit peu d'esprit de gauche, de s'y reconnaître. Voilà. Donc voilà, donc c'est possible qu'ils aient aussi attiré quelques classiques mouvements associatifs qui, eux, sont subventionnés par l'État, mais de manière indirecte. Et ils ont, disons-le, puisque l'article est passé sur le site d'Égalité et Réconciliation, la bienveillance de la police. Puisqu'on a ce témoignage de ce CRS qui disait qu'il avait eu ordre lorsqu'il voyait des débordements, de ne pas intervenir. Oui, ou lorsqu'il dépassait l'horaire prévu par la préfecture de déménager les lieux. Et ça se passe en général assez bien, je dirais, puisque les policiers savent qu'à telle heure ils doivent intervenir, mais les autres débarrassent déjà le plancher à ce moment-là. Après, ils reviennent. Il y a une espèce de jeu comme ça, de je m'en vais, je reviens. Mais disons qu'on a plutôt l'impression que c'est un grand théâtre politique plutôt que quelque chose de profond. C'est clairement un théâtre, c'est un théâtre politique, c'est un théâtre sociologique, mais c'est un théâtre, je dirais même, métapolitique, où, au sens où c'est les gens, enfin en tout cas ce que représente le mouvement Nuit Debout, est clairement dans la filiation, je dirais, bourgeoise. C'est-à-dire que c'est un mouvement, enfin je le qualifierais moi de mouvement adolescent, c'est un mouvement adolescent, hein, dans tous les sens du terme, qui fait sa petite crise d'adolescence face à ses parents symboliques que représenterait l'État, ou même Finkielkraut, ou François Hollande, le Parti Socialiste, la loi travail. Voilà, c'est une sorte de petite rébellion à l'autorité d'un système dans lequel ils sont tout à fait partie prise. Est-ce qu'on peut aller plus loin et parler d'opposition contrôlée dans un contexte où le Front National monte en puissance et où peut-être ceux qui ont le pouvoir ont intérêt à faire monter une fausse opposition pour faire basculer, si vous voulez, le rapport de force politique ou tout simplement le rapport de médiatisation d'une vraie par rapport à une fausse opposition. Ce qui est intéressant avec Nuit Debout, c'est que justement les caméras sont depuis maintenant, je crois, 26 jours braquées dessus, et effectivement, on n'entend peut-être pas parler de la montée du FN, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable hors période électorale. Cependant, à Nuit Debout, alors, Je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a eu, en début d'année, à Canal+, la diffusion d'une série qui s'appelle Baron Noir, qui est, en fait, l'histoire, en une dizaine d'épisodes, hein, en saison 1, des rapports entre un président de la République française et son conseiller occulte. Et il s'avère que Julien Drey est très fier d'avoir fait, d'avoir servi de modèle à ce Baron Noir, ce conseiller occulte, spécialiste des coups. Et il se passe quelque chose dans cette série, c'est un mouvement lycéen qui est construit de A à Z, dont on voit les coulisses et la fabrication. C'est exactement ce qui s'est passé en fait à Nuit Debout. Et c'est assez marrant parce que les scénaristes n'ont pas travaillé dans le vide, ils se sont basés sur l'histoire de Julien Drey et de son travail pour le Parti Socialiste et SOS Racisme auprès des lycéens. Et c'est exactement, on a vu le déroulement en réel, quasiment en parallèle de la série, de ce qui se passait, avec un petit décalage évidemment, et d'aucuns, surtout à droite, ont dénoncé, entre guillemets, Benoît Hamon et Julien Drey comme les organisateurs, ou en tout cas Benoît Hamon, de cette pseudo-opposition. Et qui fait passer évidemment les jeunes ou les gauchistes comme la véritable opposition française et qui mériterait répression, etc. Une répression pas véritablement féroce, hein, on l'a vu. Hein. Évidemment. Et dont le but est ensuite, face à la menace fasciste et la montée du Front National, de rabattre toutes ces voix soi-disant contestataires vers le vote comme toujours socialiste. Bah, moi, j'aurais deux choses à dire dans ce cadre qu'on pourrait qualifier d'ingénierie sociale. Où la réalité dépasse la fiction, où la fiction dépasse la réalité, hein, ça s'entremêle. Je dirais que c'est par rapport à la montée du Front National, en fait, c'est peut-être envisagé comme une répétition. Hein, c'est-à-dire ce qui se passe là en 2016, c'est la répétition de ce qui va se passer dans un an, strictement dans un an, juste avant les élections, évidemment, parce qu'on va avoir la mobilisation antifasciste et blablabla. Comme un entre-deux-tours voilà. De 2002, quand Le Pen avait fait son score. Exactement. Donc, les dominants qu'on considère font une tentative et expérimentent et se rendent compte qu'effectivement on peut encore mobiliser les gens, voilà, ça marche, hein, y a une domination des masses. Et dans un deuxième temps, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que si Nuit Debout a marché, a fonctionné au niveau, je dirais pas au niveau populaire, mais au niveau de la mobilisation, c'est sur un mensonge, sur un prétexte, c'est-à-dire que les gens se sont réunis au début au mobile de l'Union Sacrée. C'est-à-dire du dépassement du transcourant. C'est-à-dire que la convergence. La convergence, voilà. C'est-à-dire que Nuit Debout, vu de très loin, du spectateur, enfin du français lambda, on imaginait ça comme un nouveau mouvement qui dépassait les clivages droite-gauche, voilà, deux rassemblements, etc. Et petit à petit, comme tout à l'heure, je vous prenais la métaphore de l'adolescent, hein, l'adolescent, l'enfant qui fait des bêtises, petit à petit se prend des petites fessées par la vraie autorité, la ligne réelle de Nuit Debout est en train d'émerger. Et donc aujourd'hui, ces dernières semaines, et on l'a vu quand le monsieur, on a diffusé la vidéo sur le site, quand il y a eu cet appel d'un des initiateurs de Nuit Debout à mettre dehors les crypto-fascistes et les soraliens, hein, donc ce qui nous concernait, d'ailleurs c'était suite à notre venue à Lyon, notre passage éclair et quasiment plus qu'anecdotique. Comme quoi strictement une goutte d'eau, les déborde complètement, c'est incroyable. Ou alors ils n'attendaient que cette goutte d'eau pour justement justifier leur mouvement. Et tout ça pour dire que là, c'est depuis quelques jours, la vraie ligne de Nuit Debout est en train officiellement d'émerger et c'est une ligne officiellement officiellement de gauche. Voilà. Nuit Debout se revendique désormais comme un mouvement authentiquement de gauche, un mouvement anti-raciste, anti-fasciste, anti-homophobe, même anti-spéciste, ce genre de choses. Alors que la plupart des gens, de base, imaginaient que c'était un mouvement transcourant et d'union sacrée, et voilà, quelque chose de plus large. Petite précision, Nuit Debout est quand même la résultante des manifestations anti-loi travail de Comrie, Badinter, Médé. C'est-à-dire que voilà, c'est né de cela. Avec à la tête de ce mouvement, entre guillemets, puisqu'ils se prétendent ne pas avoir de tête, mais il y en a une, c'est Lordon notamment, dont on a vu assumer cette ligne dont tu parles, Pierre, c'est-à-dire antifasciste, clairement. En tant que guide. Revendiquée. Elle est désormais revendiquée, pratiquement violente, parce qu'il a clairement précisé qu'il n'appelait pas à la paix, hein, qu'il était là pour faire la guerre, donc la guerre au capital et aux fascistes. Alors maintenant, qui sont les fascistes et qui fait la liste, hein, éternellement, c'est toujours les mêmes questions. Liste dans laquelle il inclut Étienne Chouard. Oui, parce que ça c'est encore un... Parce que je l'ai vécu. C'est extraordinaire. Je l'ai vécu sur place. C'est pratique. C'est le nouveau concept, d'ailleurs, c'est à l'anglaise. C'est le concept de démocratie all-inclusive. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais. C'est-à-dire que la démocratie all-inclusive, puisque la problématique de Nuit Debout en ce moment, c'est de se poser les limites, la question des limites de la démocratie. La démocratie all-inclusive, c'est la démocratie trop démocrate. C'est-à-dire que finalement, ce sont des démocrates modérés, finalement. Donc la ligne Nuit Debout est en train, encore une fois, de devenir officielle et d'émerger pour qu'on se rende compte que finalement, c'est une ligne qui n'a rien de démocrate. Donc Étienne Chouard est mis dehors et même plutôt menacé, et d'ailleurs il a confirmé lui-même qu'il ne viendrait pas à Nuit Debout suite à certaines exactions qui ont lieu à Paris, je crois, avec des menaces au couteau sur certaines personnes et compagnie. Et Étienne Chouard et les Chouardiens et les Soraliens et tout ce que vous voulez ne font pas partie de cette démocratie all-inclusive parce qu'ils sont considérés comme trop démocrates d'une certaine manière. Je tiens à ajouter juste une petite stat. En début d'année, on commençait à pointer des sondages sur le taux de vote, enfin sur les estimations de vote des jeunes pour les présidentielles, et des chiffres assez alarmants. Donc je crois de 43% des jeunes pour le Front National. Alors c'est le FN qui s'est emparé de ce chiffre, qui a été contesté ensuite par le journal Le Monde, mais il s'avère qu'une bonne partie des jeunes, de manière inattendue et même en accroissement par rapport aux années précédentes, voterait Front National en 2017. Et j'ai l'impression que ce mouvement Nuit Debout arrive à pic pour essayer de contrer cet effet jeunesse vers le FN. Alors évidemment, donc il y a eu ensuite les redresseurs de tort du journal Le Monde, qui ont fait tout un papier sur le fait que cette statistique était arrangée et utilisée par le FN pour sa promotion électorale. N'empêche qu'il y a eu là une sonde qui, je crois, a aussi aidé à faire émerger ce mouvement très très spontané et qui tombe à pic, hein, à un an exactement des présidentielles. Oui, on peut clairement se poser la question de la spontanéité du mouvement qui d'ailleurs, je pense, va sombrer dans quelques jours, quelques semaines, pour différents facteurs, dont celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que à la base, il y avait le paravent du mouvement populaire, authentiquement populaire, donc par-delà les clivages, et puis finalement, on se rend compte que c'est un mouvement finalement pratiquement antidémocrate réel, et qui est un mouvement qui tient au plus profond de lui-même au clivage, au vieux clivage droite-gauche. Ils y tiennent absolument. Donc finalement, ça va mobiliser de moins en moins de monde et ça va sombrer avec les vacances et tout et compagnie, quoi. Dimitri ? Oui, ce qui est très intéressant aussi, c'est que... Bon, je pense que tout le monde se rappelle que l'intervention en Afghanistan des Américains après le 11 septembre 2001 n'avait pas pu se faire en quelques jours. Je crois que c'était intervenu en octobre 2001. Or, on sait tous qu'une armée doit se préparer au moins 6 mois, voire 2 ans avant. Et là, de la même façon, on a l'impression, au vu de l'organisation que l'on voit sur leur site, hein, quand on regarde leur site, c'est extrêmement propre, organisé, ça ne peut pas avoir été fait en quelques jours. C'est un travail pointu de communication avec des droits de publier telle ou telle image, etc. Je suis rentré dedans, j'étais ahuri de voir la vitesse avec laquelle s'était construit une communication sur Internet qui relayait et qui centralisait un petit peu toute l'action de ce mouvement. Et donc ça m'a fait penser un peu au 11 septembre 2001 et l'intervention des Américains qui semblait spontanée et le fait de la de tout un peuple contre Ben Laden et ses amis. Alors concernant cette organisation, justement, je termine ma petite histoire, parce que moi je m'y suis rendu, donc je vous ai dit que je m'étais promené pendant 25 minutes dans la place, où j'ai été reconnu, suivi, et j'ai pu voir cette organisation dont tu parles, Dimitri. J'ai cherché pendant 25 minutes la commission Accueil et Sérénité, parce que j'avais vu qu'elle existait sur Internet, donc je me suis dit, donc c'est très drôle, parce que j'ai tout filmé, tout enregistré, donc je suis là, bonjour. Moi, des jolies hôtesses. Des jolies hôtesses qui m'expliquaient, c'est là-bas, c'est ici, c'est le bureau 21, etc. C'est très bureaucratique, hein, comme fonctionnement. Et donc moi j'étais là, et ma ligne c'était d'assumer le fait d'être d'égalité réconciliation et de jouer l'apaisement, c'est-à-dire je suis de R mais je viens demander officiellement si je peux faire un reportage, demander la permission tout simplement pour éviter tout risque d'agression. C'est-à-dire que c'est un mouvement soi-disant horizontal et qui n'a pas de hiérarchie, mais il y a quand même des gens à qui demander l'autorisation. Et ben c'est ça, donc moi j'ai cherché la commission Accueil et Sérénité, Et donc on m'a indiqué un petit stand, donc je m'y suis rendu, et effectivement c'était l'accueil, et là un jeune homme très sympathique m'a répondu que je lui demandais est-ce que je peux faire un reportage pour Égalité et Réconciliation sur votre mouvement. L'idée c'est simplement d'interroger les gens qui sont là, peut-être les organisateurs, faire 2-3 plans de coupe, etc. Et il m'a dit ben, il faut parler à la commission presse. Et j'ai dit, c'est le fonctionnaire qui te renvoie chez un autre fonctionnaire. Exactement. Et lui, par contre, il faut bien le dire, il m'a dit, moi, je lui demandais, vous savez qui on est, Égalité et Réconciliation, pour être sûr qu'il sache à qui il était en train de parler. Et il me dit, oui, je vous connais, d'ailleurs, j'ai rien contre vous. Bon, ok. Donc j'attends la fameuse commission presse, donc deux jeunes hommes qui sont arrivés au bout de 20 minutes. Et donc je leur parle, je leur dis, voilà, je vous dis tout de suite, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi, ça ne me paraît pas être quelque chose de grave de ne pas être d'accord. Et je veux faire un reportage sur vous, poser des questions et confronter nos arguments. Je lui ai même dit, je sais que par exemple sur l'immigration, on n'est pas d'accord. Vous êtes pro-immigration, moi je suis plutôt contre. Mais bon, c'est pas grave, discutons-en, confrontons nos avis, nos points de vue, nos arguments. En fait, exactement ce qu'eux prétendent faire, mais qu'ils ne font pas. Et donc c'était moi, le fasciste à leurs yeux, qui leur proposait, qui leur tendait la main pour l'application de la démocratie telle qu'eux la prétendent la concevoir, mais qu'ils n'appliquent pas. Donc, ils étaient très surpris, très déstabilisés. Tout ça, je l'ai en vidéo et en audio. Et donc, ils étaient très déstabilisés. Ils ne s'attendaient pas à avoir un fasciste en face d'eux qui était plus démocrate qu'eux, en fait, et plus pacifiste qu'eux. Donc, ils m'ont dit... Enfin, dans leur imaginaire, quoi. Dans leur imaginaire. Et donc, dans la forme. Ils me disent, on n'est pas contre, à la limite, après tout ça, finalement, après ce que j'aurais dit, on n'est pas contre, mais il faudra que vous nous renvoyiez un mail en nous expliquant bien votre projet, et là, on vous donnera une autorisation. Donc moi, ce mail, je l'ai écrit il y a plusieurs jours, je n'ai pas eu de réponse. Donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en leur disant, on a joué le jeu, on vous a demandé l'autorisation, alors qu'on n'y était même pas obligé, puisque c'est un endroit public, on peut faire un reportage, finalement, si on en a envie. Donc, on va le faire. L'essentiel, c'est d'avoir effectivement demandé, comme à toute personnalité interviewée ou mouvement, et une fois que la demande honnête a été faite, après, l'information peut jouer. Voilà, exactement. Voilà pour ce mouvement. Moi, je veux juste préciser deux, trois petites choses encore que j'ai constatées sur place. C'est-à-dire que comme c'est un mouvement, tu as dû le constater aussi, soi-disant horizontal et de discussion permanente où on remet tout en question, blablabla. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des gens comme ça, il y a des gens qu'on va appeler des naïfs, hein, qui pensent qu'on peut discuter de tout et qu'on peut débattre de tout avec tout le monde. Voilà, on va dire des gens sympas, quoi. Il y a ce genre de population, hein, sociologiquement, même si ça reste toujours des petits bourgeois, hein, parce qu'effectivement, il n'y a aucun banlieusard, il n'y a aucun travailleur, il n'y a aucun populo au sens strict. Hein, c'est vraiment des étudiants et des petits bourgeois, des bobos, quoi. C'est réellement ce qu'on constate sociologiquement. Mais au sein de cette organisation, soi-disant sans organisation, il y a des strates. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté réellement qu'il y a des gens naïfs avec lesquels on peut discuter. Puis il y a d'autres personnes qui interviennent après, par-dessus, qui viennent recadrer un petit peu la discussion. C'est-à-dire que si on va trop loin sur certains sujets, enfin même trop loin, c'est-à-dire pas très loin, mais si on dépasse un certain cadre, on devient tant soit petit, tant soit peu louche. Donc est-ce que les naïfs sont éliminés après l'organisation? Les naïfs sont symboliquement éliminés et mis sur la touche, et petit à petit une police idéologique secrète, police secrète de la pensée unique qui s'instaure. Et donc je l'ai constaté physiquement, c'est-à-dire que j'ai d'abord discuté, enfin avec des amis, on a d'abord discuté avec une jeune fille qui était évidemment opérationnelle partante pour discuter de tous les sujets. Puis finalement, un de ses supérieurs hiérarchiques invisibles lui a confié qu'il fallait quand même faire attention à certains sujets, qu'ils allaient tout mesurer et comment dire, valider. Voilà. Puis finalement, il y a eu un troisième personnage qui est arrivé en se revendiquant officiellement d'extrême gauche et en précisant directement qu'il y avait des limites et un cadre et que Nuit Debout s'effectuait dans ce cadre-là. Voilà. Donc c'est clairement un mouvement d'extrême gauche avec des sujets définis, précis et des anti-sujets. Voilà, c'est pas la liberté, on est d'accord. Et d'ailleurs, ces sujets, on les a constatés, moi je les ai constatés au stand, ce sont des sujets sociétaux. C'est-à-dire que sur le stand où soi-disant c'est la liberté d'expression total, 99% c'était des ouvrages sur la transphobie, les transidentités, des micro-sujets, le féminisme contre le masculinisme, l'anticonspirationnisme, c'est-à-dire qu'il y avait encore une fois une délimitation de l'esprit critique, J'ai constaté ça directement. Alors moi, sur leur efficacité opérationnelle, je voudrais comparer ça avec une expérience que j'ai eue il y a... Les Indignés, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3-4 ans, plus. Oui, du temps de Stéphane Hessel. Oui. Il y en a eu en Espagne, en moi, France. Moi, je me souviens qu'à Grenoble, je m'étais rendu à un cercle des Indignés sur la place Victor Hugo, la place principale. Et j'avais noté une anecdote qui m'avait paru très parlante. Il y avait, donc c'était le soir, le cercle qui discutait entre eux, donc c'était des étudiants essentiellement. Moi j'étais là, j'observais, et il y avait un punk à chien bourré qui traversait le cercle et qui foutait la merde en fait, et qui empêchait les gens de débattre et de parler. Et en fait, ils ont tellement dans leur idée ce respect de cette soi-disant démocratie qu'ils croient construire. De la différence. Qu'en fait, ils n'osaient pas virer le mec. Manu Militari. C'est fasciste. Parce que c'était trop fasciste dans leur idéologie, dans leur imaginaire. Donc le mec était là, il se promenait, bourré, il foutait la merde, et personne disait rien en fait, c'était limite bien. Ce sont les dommages collatéraux de l'extrême gauche. Ouais. Les zonards, les squatteurs, les zonards, qui d'ailleurs au départ se sont un peu mélangés à la nuit debout à Lyon. Hein. Ils se sont retrouvés sous la guillotière. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà, donc là aussi ça pose certaines limites. Et les bobos se trouvent dans des conditions qu'ils n'avaient pas imaginées auparavant. Si vous voulez faire de la psychologie sociale, là pour le coup on est vraiment dans une sorte de schizophrénie. Quoi. Schizophrénie, je pense, qui est due à ce qu'on appelle l'inconscient de classe. C'est-à-dire que ces gens-là, entre la réalité et les idées sont totalement en décalage. Quoi. Ils se retrouvent avec le lumpen prolétariat, mais pas avec le prolétariat. Et il y a clairement, encore une fois, il y a clairement, comme tu l'as dit, un problème. Hein. Ils ont véritablement un problème avec la démocratie, parce que c'est quelque chose de désincarné, d'abstrait. C'est une sorte de mantra, voilà, qui est la démocratie, quelque chose qui a remplacé Dieu. Hein, c'est une sorte de dogme, voilà, la démocratie. Maintenant, c'est comme ce sont un petit peu des réformistes de la religion démocrate. Maintenant, il y a la démocratie all-inclusive et pas all-inclusive. Enfin, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que la démocratie a remplacé Dieu, a remplacé la figure du Père. Et ces gens-là sont dogmatiques et s'en rendent même pas compte. Quoi. Moi, je trouve ça très inquiétant. Et je trouve que c'est symptomatique aussi de personnes qui ne sont pas stables, parce qu'on ne passe pas nos journées à parler de la démocratie quand on a confiance dans notre démocratie. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se rassurer en permanence. Je pense que ce sont des gens très très angoissés en vérité. Parce que moi, je n'ai pas peur de la démocratie comme je n'ai pas peur de ce que serait un autre régime politique, par exemple. Dimitri ? La question se pose de la véritable opposition entre ce mouvement d'extrême-gauche qui sent très fort le trotskisme, hein, l'agit-prop, les méthodes, les médias, qui transforment un micro-événement qui n'a pas vraiment de but avoué en macro-événement de masse relayé par toutes les télés. Et donc, les liens entre le trotskisme et le pouvoir socialiste, ou... se disant tel. Il faut savoir, par exemple, que Mélenchon, qui se présente à une présidentielle, même s'il ne se présente pas comme trotskiste, disons qu'il finit toujours où les gens de l'extrême-gauche a appelé à voter pour les candidats socialistes. Hein. C'est la technique du trimaran, comme on dit. Hein. On essaie de pêcher des voix à sa droite et à sa gauche, et au dernier moment, hop, tout le monde rentre dans le cadre et on refile ses voix, etc. Donc, fausse opposition totale. Mais l'histoire du trotskisme en France montre que ce genre d'opération est clairement une manip, et qui à la fin servira non pas à un candidat trotskiste qui lui n'a aucune chance d'être élu, mais probablement un candidat pseudo-socialiste, encore moins socialiste que François Hollande. On peut imaginer Valls ou Macron, un de ces quatre. Et Pierre, sur cette loi travail, est-ce que tu peux nous dire précisément en quoi elle consiste ? Ce que je peux dire, c'est que ce mouvement est soi-disant partie de la contestation de la loi El Khomri, de la loi travail. On va dire que c'était le prétexte conjoncturel. Et ce qui est assez ironique et dialectique, c'est-à-dire que finalement, tous ces gens-là se revendiquent d'extrême gauche, blablabla, sans jamais remettre en question l'Union européenne et l'euro. Hein, et l'immigration, alors que finalement la loi travail n'est que la conséquence de la domination de l'Union européenne sur la France, parce que c'est une question, de ce que j'en comprends sans être économiste, mais tu vas pouvoir peut-être compléter, c'est que le problème de la loi travail, c'est qu'on touche au droit du travail, car on ne peut plus toucher au taux de change. Hein, parce qu'on ne peut plus toucher à la monnaie, donc pour faire ce qu'on appelle de l'ajustement ou de la flexibilité, à cause du verrou de l'Union européenne et de l'euro, eh bien on va toucher au salaire, voilà. On va toucher à la flexibilité de l'emploi. Voilà, c'est ça la macroéconomie. Et donc si on veut contester la loi travail correctement, eh bien il faut contester l'Union européenne, il faut contester l'hégémonie de l'euro, c'est tout. Et ces gens-là ne le font pas, je ne l'ai pas entendu là-bas, moi. Alors, il est effectivement difficile de lutter ou de manifester contre l'européisme. Il faudrait peut-être que les jeunes en question des Nuits Debout se rassemblent par dizaines ou centaines de milliers devant le Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg. Bien sûr. Voilà, là on irait vers quelque chose de plus sensé et de plus logique. Mais ce n'est pas possible pour ces gens-là parce que ça serait devenir souverainiste. Voilà, parce que c'est le fond du problème, c'est le problème de la souveraineté. Et ces gens-là ne peuvent pas devenir souverains, donc ils ne peuvent pas devenir conséquents sur le champ social, c'est pas possible. C'est interdit dans les statuts de l'extrême gauche. C'est interdit dans cette religion qui n'existe pas. Voilà. Alors moi, au cours de mes reportages dans ces milieux d'extrême gauche, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai remarqué qu'il y a trois sujets qui font de vous quelqu'un d'extrême droite. Premier sujet, l'immigration. Quand vous contestez l'immigration, vous êtes d'extrême droite. Deuxième sujet, l'Union européenne. Quand vous contestez l'Union européenne en disant que la France perd sa souveraineté, etc., vous êtes un nationaliste, vous êtes un facho. Et troisième sujet, c'est la dénonciation de la domination des représentants d'une certaine communauté en France, et notamment la communauté juive, il faut le dire. Là, vous êtes un antisémite. Ces trois sujets-là, donc, qui sont les trois sujets majeurs... Ce qui est pire qu'un fasciste. Ce sont les trois sujets, les trois piliers, les trois sujets fondamentaux... C'est un fasciste antisémite. Voilà, qui font de vous quelqu'un d'extrême droite. Et d'ailleurs, à ce sujet, je repense à Finkielkraut qui a été viré, enfin, soi-disant critiqué dans sa venue à Nuit Debout. Il n'a pas été viré au cri de sioniste ou je ne sais quoi. Il a été viré parce qu'il représente dans l'inconscient un homme de droite. Voilà. Un homme de droite attaché à l'orthographe et aussi islamophobe. Donc voilà. Là aussi, il est rentré en contradiction avec le logiciel de gauche. Il y a clairement un problème schizophrénique sur tout un tas de choses. Véronique Geneste aussi a été virée. Oui, elle a essayé de faire, dans l'émission de Paul Amar sur I24 News, elle a aussi de faire sa Finkielkraut. Ça a moins marché en France. Mais Véronique Geneste, elle a été virée, non pas pour son soutien à Israël qu'on connaît, nous, parce qu'on est initiés, mais parce qu'elle représente dans l'inconscient populaire, elle représente Julie Lescaut, la police, quoi. Et donc, la police, c'est de droite. Oui, et elle a aussi pris des positions islamophobes très marquées. Très marquées il y a quelques années. Elle s'en est, depuis d'ailleurs qu'elle a arrêté son émission, enfin sa série télé. Je voulais juste revenir sur les trois parties dont tu parles, Vincent, qui ferait de quelqu'un un fasciste, donc l'espèce de pas de doigt, le trident. Sur l'immigration, il y a eu un précédent, en 1984, je crois, avec Georges Marchais, qui était le premier secrétaire du Parti communiste français, qui a, lui, tenté d'imposer à gauche un souverainisme, ce que d'ailleurs Chevènement a repris après, et ce qui lui a valu d'être expulsé par Jospin de l'équipe gouvernementale. Le souverainisme a été testé à gauche. Sauf que lorsque Georges Marchais a voulu, avec des bulldozers, écraser des foyers de travailleurs immigrés à Montigny-les-Cormeilles dans le 95, dans le Val-d'Oise, tous les médias lui sont tombés dessus déjà à l'époque. Les choses étaient moins claires qu'aujourd'hui, mais déjà les médias ont défendu effectivement l'immigration comme étant une chance pour la France et le Parti communiste comme étant dangereusement nationaliste. Ouais. Et pourtant c'était un parti théoriquement internationaliste, mais qui voulait défendre les intérêts français et les intérêts des ouvriers français. Voilà. Et écoutez, moi, sur l'immigration, si je puis rajouter quelque chose, puisque moi, vous connaissez mon domaine de spécialité, c'est le Venezuela et Chavez notamment. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat au Venezuela. J'ai discuté avec un conseiller économique d'Hugo Chavez. Le mec travaillait à Miraflores, le palais présidentiel, et conseillait tous les jours Chavez en lui envoyant un rapport qui atterrissait sur son bureau tous les matins. Donc le mec était vraiment... Et c'est un Français, en fait. C'est un franco-espagnol. Et en fait, il me racontait que lui-même avait du mal à obtenir le visa pour rester au Venezuela. C'est-à-dire que les lois au Venezuela sont très dures, les lois d'immigration sont très dures, pour ceux qui se revendiquent des révolutionnaires d'extrême gauche, du Che Guevara, de Chavez, etc. Donc, vous voyez... Là, encore une fois, il y a une contradiction. Il y a beaucoup de Boliviens, non, je crois, au Venezuela. Il y a beaucoup de... Non, c'est pas des Boliviens, c'est de Colombiens. De Colombiens, déjà. Pardon. Et d'ailleurs, il y a un racisme très fort au Venezuela à l'encontre des Colombiens, parce que les Colombiens, en gros, franchissent la frontière pour foutre la merde au Venezuela, pour le trafic de drogue, etc. Donc il y a beaucoup de racisme au Venezuela dû à cette immigration massive, en fait. Et il y a beaucoup d'Haïtiens aussi dans les quartiers pauvres. Moi, j'ai fait ma thèse dans un quartier pauvre de Caracas. Il y a beaucoup d'Haïtiens. Deuxième sujet d'actualité, Panama Papers. Dimitri Correa, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous résumer pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire, en quoi ça consiste ? Soudain, le journal Le Monde, donc la Pravda nationale, sort un immense article à grands coups de trompette il y a une dizaine de jours, en révélant qu'un collectif de journalistes spécialisés dans l'investigation de plusieurs pays, je crois plusieurs dizaines de pays, hein, donc 330 journalistes, un pool de journalistes qui s'est organisé comme tel, on ne le connaissait pas auparavant, mais soudain on le voit émerger dans les colonnes du Monde, et qui révèle les comptes, les noms des environ, je crois, 11 millions de comptes de sociétés ou de personnes, donc personnes morales ou personnes physiques, qui, dans une banque du Panama, donc se livrent à la défiscalisation ou à des manipulations offshore, plus ou moins autorisées. Il faut savoir que tout n'est pas interdit dans le offshore. On peut mettre de l'argent de manière assez clean, propre, dans des banque offshore, par exemple au Panama, hein, qui a un système bancaire assez spécial. Mais soudain, Le Monde révèle, avec d'autres journaux comme El País en Espagne, le Washington Post aux États-Unis, le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, voilà, toute une batterie médiatique majeure qui révèle, et surtout qui révèle des noms connus, célèbres, de personnalités, surtout politiques, qui détiennent des comptes offshore. Et là, on voit soudain apparaître la fameuse liste, non pas de Schindler, mais la liste de Poutine et d'Assad. En réalité, Poutine et Assad ne sont pas nommés en tant que personnes, mais leur entourage, entre guillemets, comme dit Le Monde, est clairement visé. Voilà, donc soudain, on voit débarquer une liste, mais assez rapidement, lors de la révélation de ces Panama Papers, qui au début s'appelaient les Panama Leaks, des gens commencent à douter très très vite, hein, sur Twitter, en disant où sont les Américains, où sont est-ce que c'est pas un coup de la CIA, etc. Et peu à peu, on se rendra compte, déjà dès le lendemain, que Soros était, donc George Soros, hein, de la Open Society, de la fondation Open Society, était à l'origine, clairement, de ce mouvement en le finançant. Voilà, donc ces journalistes ont pu travailler grâce à l'Open Society de George Soros. Et là, évidemment, tous les faits de révélation et de transparence accompagnés à grands coups de trompette par Le Monde et tous ces grands journaux s'est effondré assez rapidement. Voilà. Ouais, bah, ce que je peux dire sur les Panama Papers, c'est-à-dire que... sur le fond de l'affaire, je n'en sais rien, mais au niveau de l'orientation politico-médiatique, on a clairement vu une vague très orientée, hein, forcément, anti-Poutine, anti-Assad, même Le Pen. Hein, on a eu Jean-Marie Le Pen via Frédéric Chatillon. A été cité. Jean-Marie Le Pen directement ? Alors, Jean-Marie Le Pen, lui, après, s'est expliqué sur un compte, je crois qu'il avait, mais c'est Frédéric Chatillon. C'est ça. Qui, en tant que, je ne sais pas s'il est au Front National, hein, en tant que homme d'affaires qui traite des affaires à l'étranger, lui a été clairement visé par Le Monde, qui a fait un article spécialement dédié à Frédéric, que le grand public ne connaît pas. Donc on avait l'impression que c'était quand même déjà, malgré les faits, une espèce de règlement de compte. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue pratiquement bancaire et caricatural, ouais. C'est-à-dire que on a Poutine qui sort, on a Bachar el-Assad, on a Jean-Marie Le Pen. Récemment, on a eu l'autorité palestinienne, hein, oui, via oui. Le fils de Mahmoud Abbas. Abbas. Et la question que je pose, c'est pourquoi pas Adolf Hitler ? Pourquoi Adolf Hitler n'est pas dans la liste, finalement ? Il n'est pas dedans. Ouais, il faudrait vérifier. Adolf Hitler, hein, devrait être présent dans cette liste, quoi. Et donc, on a eu aussi des noms comme Platini, Messi et compagnie. Oui. Mais par contre, on a effectivement vu très, très peu d'Américains. On a eu Platini, mais on n'a pas eu Zidane. On a eu Bachar, mais on n'a pas eu Erdogan, hein, que, comme l'avait dit Zemmour. Et on a tout un tas de noms aussi qui ne sortent pas. Il y a eu un très, très bon article qui est sorti sur un milliardaire israélien qui s'appelle Dan Scherber, je crois, ou Schelder, il faudra rechercher le nom précisément, qui est, lui, le plus grand, ce qu'on appelle le plus grand roi de l'offshore. C'est-à-dire que c'est le spécialiste mondial des plus grands montages financiers. Hein. Mais lui, il n'est pas dans la Panama, dans les Panama Papers. C'est qu'il est innocent, alors. Alors que, enfin, je veux dire, c'est pratiquement de notoriété publique, et ce personnage contrôle une partie de l'Afrique. Apparemment, il possède même le Congo, pratiquement le Congo à lui tout seul. Oui, là où voilà. Il y a plus les... une partie de l'Afrique centrale et via tout un tas de montages et ce personnage ne fait pas partie, par exemple, des fameux Panama Papers. C'est sûrement un oubli. Donc c'est clairement une attaque contre un montage. Montage, on ne sait pas, mais en tout cas, de la façon dont les Panama Papers ont été présentés par la presse mainstream... Il y a une sélection qui a été faite. On peut se demander si... En tout cas, on n'a pas vu tous les noms. Et d'ailleurs, tous les noms ne sortiront pas. Oui, ni de société, ni de... Je pense que cette affaire va sombrer. Encore dans quelques semaines, on n'entendra plus parler. C'était l'attaque du moment, quoi. C'était peut-être une tentative ou un test. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond et qu'effectivement il y a une guerre entre une certaine haute finance et un certain, je dirais, paradigme mondialiste. Enfin oui, il y a peut-être des affrontements dans les grandes élites, hein, c'est possible. Troisième sujet d'actualité, l'Église. Nous sommes à Lyon aujourd'hui avec Pierre et Dimitri. Dimitri, s'il vous plaît, il y a cette histoire en ce moment, cette affaire Barbarin. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le cardinal Barbarin, tout le monde s'en souvient, en 2013, il avait pris un peu la tête de la contestation qui s'était élevée contre le mariage gay. Voilà. Trois ans après, il se retrouve au cœur d'une ou de plusieurs affaires, deux en apparence, où en tant que cardinal, il aurait caché aux autorités, on va être clair, hein, la pédophilie de deux prêtres du diocèse de Lyon. Donc, il lui est reproché, là encore, par le journal Le Monde, qui a tiré à boulet rouge sur le cardinal, reproché de ne pas livrer ces soi-disant pédophiles, je fais attention, hein, aux autorités. Alors, pour l'un, il y avait eu des faits avérés, et lui l'a retiré de son magistère d'église, et ensuite, est-ce que sa prêtrise a été neutralisée ? Je ne sais pas, mais disons que sur ce cas et le cas suivant, la presse a attaqué Barbarin en le transformant en grand manipulateur et grand camoufleur de la pédophilie de l'Église. Et donc soudain, cette affaire est sortie, et d'aucuns y ont vu évidemment là aussi un règlement de compte suite aux prises de position anti ou pro manif pour tous du cardinal. Mais les affaires ne sont pas réglées. Certaines datent d'il y a plus d'une décennie. Il y a eu des confessions dans la presse d'anciens enfants qui ont été au contact de ces prêtres. Donc ce sont des affaires certaines qui roulent et sur lesquelles on ne peut pas se prononcer, on n'est pas juge. Et en revanche, le mal a été fait pour le cardinal qui est obligé de se prononcer, qui est sorti d'une espèce de silence et qui a été obligé effectivement de dire pourquoi ces prêtres n'ont pas été dénoncés et pourquoi ils n'ont pas été mis hors de l'Église. Et donc cette semaine à Lyon a lieu une réunion avec le cardinal de 150 prêtres justement à ce propos. Donc l'Église s'ouvre et parle alors qu'effectivement... Avant, on a l'impression que ces cas se réglaient en interne. Pierre ? Eh bien, effectivement, il y a des affaires en cours, donc on ne peut pas se prononcer stricto sensu, mais si on prenait un peu de recul sur ces affaires, on constate qu'il y a, pour ne pas parler spécifiquement de l'affaire Barbarin, mais plutôt du cas de l'Église, ce que je constate et ce que je mets en parallèle avec le comportement du pape, hein, du pape François ces derniers temps, qui est sur le devant de la scène par rapport à son comportement vis-à-vis des réfugiés et sa prise de position politique. C'est-à-dire que je pense qu'on a là une représentation de ce qu'est l'Église quand elle est aux prises avec le mondialisme libéral. C'est-à-dire que tout est politique. en fait. C'est-à-dire que finalement, on le voit dans l'affaire Barbarin, ce n'est pas une affaire strictement ecclésiastique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des rapports avec des antécédents politiques comme le mariage pour tous et compagnie, mais il y a aussi tout un tas d'affaires, il y a tout un tas de, comment dire, d'imbrications avec des politiciens locaux, avec la mairie, avec tout un tas de choses. Hein, c'est-à-dire que ça fait partie des choses à étudier. Et puis pour le pape, eh ben on se rend compte qu'un pape Vatican II, dans le contexte global actuel, est soumis à certaines injonctions qui lui font faire certaines choses, comme ramener des réfugiés syriens au Vatican et leur baiser les pieds, qui n'est pas forcément du goût de tous les croyants catholiques. Ouais, tous les croyants qui, encore une fois, ont aussi une opinion politique et qui s'avère tout à fait, en contradiction avec l'injonction mondialiste. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand le pape François est apparu donc sur le devant de la scène. Là, je reviens encore sur le journal parce qu'il donne le là en France. Le journal Le Monde a tiré à boulet rouge sur le pape François parce que il voulait une église tournée vers les pauvres, retournée vers le dogme de Jésus-Christ, etc. Donc une église très terre à terre où on oubliait un petit peu tout le faste. Pour revenir vers l'amour des gens, hein, la fraternité vraiment concrète. Et il s'est fait vraiment déboîter dans la presse, là encore. Et aujourd'hui, soudain, alors justement en ayant fait venir au Vatican ces 12 réfugiés syriens et en ayant avant, tu as un petit peu mélangé, mais c'est la même idée, laver les pieds d'une dizaine de migrants, là, soudain, on a l'impression qu'il s'aligne, qu'il se soumet à quelque chose, à des injonctions, et le pape a changé son fusil d'épaule. Alors, les catholiques, je pense, sont un peu perdus entre ce pape New Age, de gauche, presque libéral, pro-migrant, on dirait un homme politique français de gauche, et ce pape qui a fait au départ rêver beaucoup de croyants, et parce qu'il voulait revenir à l'esprit des évangiles. Et voilà, et il y a eu un tournant, clairement, et cette prise de position pro-migrant ne passe pas. Mais je pense que ça serait une erreur, par contre, de se focaliser et d'incriminer l'Église dans cette affaire. C'est, ce qui est dramatique, c'est plutôt que l'Église sert de paravent, voilà, à des opérations bien plus larges et bien plus profondes. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Désormais, l'Église, c'est un outil pour, c'est bien pratique pour cacher tout un tas de choses. Donc, on parle de l'affaire Barbarin pour ne pas parler de la pédophilie d'État. Hein, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, on a énormément d'affaires de pédophilie dans l'éducation nationale qui sortent, mais on en parle beaucoup moins dans les médias. Et encore, ça, c'est que la petite pédophilie, je dirais, de la fonction publique. Bon, c'est-à-dire que l'Église, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une pédophilie beaucoup plus profonde et beaucoup plus institutionnalisée, qui est notamment la pédophilie dans l'éducation nationale, mais aussi ce qu'on appelle la pédophilie de réseau, la pédophilie d'État. Donc, on a vu notamment Serge Garde incriminer Orange France Télécom dans des affaires de pédophilie à l'étranger. Hein, donc voilà, des choses à creuser. Et même il y a quelques semaines sur le site, je me souviens, on avait passé l'extrait anecdotique d'Axel Red, tu te souviens, qui parlait de société pédophile en parlant de l'épilation chez les jeunes filles. Intime. Et finalement, peut-être qu'elle ne croyait pas si bien dire, parce que peut-être que ça cache quelque chose de beaucoup plus profond et qui ne touche pas forcément directement à l'Église. L'Église a toujours montré qu'elle n'avait pas de défense. Et c'est dans son ADN de ne pas se défendre. Hein. C'est l'image du Christ qui prend des claques et qui ne les rend pas. Hein. Et évidemment, ça lui joue des tours, parce que quand les médias s'attaquent à l'Église en général, ou sur un sujet particulier, mais il y en a plusieurs, on voit qu'elle n'a pas l'habitude de se défendre et qu'elle se défend très mal, même si il n'est pas question de protéger le moindre pédophile, que ce soit un instituteur ou un prêtre. Ce n'est pas le débat. Il y en a, il y en aura toujours, hélas. Mais on sent bien que là, pour le coup, les prêtres dits pédophiles servent de bélier pour enfoncer encore et soumettre une Église qui a montré ces dernières années quelques signes d'insoumission dangereux pour, je dirais, l'oligarchie à l'œuvre en France, ouais, ou au pouvoir. Et les coups de butoir continuent sans cesse, parce qu'on a aussi en parallèle une attaque de plus en plus véhémente contre, sur la question de l'avortement. Donc on a vu Raphaël Enthoven notamment attaquer les méchants réactionnaires religieux qui sont contre l'IVG et compagnie. Voilà, mais ça, c'est le combat de la société libérale contre un monde plutôt moral et sacré. Combat qui n'est pas terminé, hein. Même si la loi Veil a une quarantaine d'années, on se rend compte qu'il y a des choses qui couvent, des feux non éteints, et je pense que c'est ça qui gêne les tenants de cette démocratie ou de ce libéralisme dit démocratique. Donc, débats qui se sont réveillés à l'occasion des grandes manifestations contre le mariage gay, il y a maintenant 3 ans, et qui vont repartir, puisque les mêmes instigateurs ou organisateurs de ces manifestations lancent actuellement une campagne anti-GPA, et qui apparemment va durer, et s'inscrire dans la durée et dans la dureté. En fait, c'est très très très politique, c'est un rapport de force à tout un tas de niveaux, à tout un tas de strates. Et malheureusement, ce qu'on peut déplorer, c'est que ce combat fait des victimes. Voilà, que ce soit les victimes en Syrie, hein, voilà, les chrétiens d'Orient, qui effectivement, eux, déplorent le fait de voir le pape s'occuper des réfugiés et pas d'eux, hein, parce qu'ils se sentent totalement à l'abandon. Ou comme, en parallèle, les victimes des affaires pédophiles dans l'éducation nationale et autres, ou même les victimes de l'IVG, parce qu'on a diffusé sur le site récemment aussi... Les dommages collatéraux. Voilà, les dommages collatéraux sur les femmes, sur la souffrance des femmes qui ont avorté, et c'est une souffrance dont on ne parle jamais, parce que c'est une souffrance que la société libérale ne veut pas voir. Parce que dans la société libérale, il y a les élus, hein, ceux qui jouissent, et puis il y a les exclus, ceux qu'on met sous le tapis, quoi. Il y a les bonnes, ouais, et les mauvaises souffrances. Bonnes, mauvaises souffrances. Ouais. Quatrième sujet d'actualité, la Syrie. Dimitri Corias, où en sommes-nous en Syrie ? Alors, sur la Syrie, alors c'est le sujet glissant par excellence, puisque... on a entendu tout et son contraire. C'est le sujet sur lequel la propagande, l'antipropagande, l'information, la transparence, la contre-information, la désinformation sont les plus développés depuis 4 ans, depuis 5 ans maintenant, parce que le conflit syrien, que certains appellent une guerre civile, mais qui est devenue une guerre mondiale régionalisée, dure depuis 2011. Et ça a commencé par des manifestations, des tirs sur des manifestants, etc., un peu comme en Égypte d'ailleurs. Et ensuite, des factions dites rebelles se sont opposées au pouvoir central des Alaouites d'Assad, etc. Et il y a eu ensuite des interventions plus ou moins camouflées. Au départ, elles étaient cachées. Et ensuite, elles ont été assumées, donc de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, de la France, des États-Unis, de la Russie, etc. Et aujourd'hui, en 2016, le conflit a changé, puisque... je dirais qu'il y a moins de désinformation qu'avant, depuis que les Russes sont venus et ont éclairé la partie. Thierry Messant en parle de manière assez claire dans ses interventions à la télévision syrienne publique, je crois. Mais là, on pourrait dire qu'il est du parti d'Assad. Donc, même globalement, les journaux mainstream français, la presse française dans sa globalité, se sont alignés sur une certaine réalité qui est le recul des forces d'Al-Nusra et de Daesh sous la poussée conjointe des Pasdaran iraniens, du Hezbollah chiite, libanais et iranien aussi, des forces russes terrestres aéroportées et de l'armée syrienne légitime. Aujourd'hui, les possessions des rebelles de l'armée syrienne dite libre, ASL, de Daesh, d'Al-Nusra, d'Al-Qaïda, etc., sont en train de se réduire, les positions, et beaucoup de combattants étrangers en Syrie ont été éliminés par les forces russes et les autres forces, et aujourd'hui le terrain est en train de se dégager, et soudain on voit que le conflit réapparaît en Libye, alors que théoriquement les combattants toute cette clique internationaliste anti-Assad ne disposent pas de moyens de navigation, seraient facilement bombardables par la mer. On se demande par quel biais terre, air, mer, ces combattants soudain disparaissent du théâtre syrien pour apparaître en Libye. Voilà, on en est là aujourd'hui et on sent que effectivement les forces d'Assad sont en train de reprendre une grande partie de leur pays. Et nous, moi je dis ça sans prendre position, hein. C'est ce qui ressort de toute la presse. Et la presse qui avant était anti-Assad, hein, comme l'écrasante majorité de la presse française, soudain reconnaît qu'il est en train plus ou moins de gagner la partie. Ça c'est le respect qu'a imposé l'intervention russe, quoi. On voit que nos médias finalement, malgré toute leur, ce qu'on va appeler leur grande gueule, ils respectent la domination virile qu'a incarné Poutine et l'armée russe et l'armée syrienne. Et donc face à ça, on a un repositionnement des forces de Daesh, vous dites, en Libye. Alors, ils tiennent une petite partie de l'Irak, le nord de l'Irak, ils tiennent aussi une bande nord et un peu sur la côte de Syrie, et leur capitale, entre guillemets, Raqqa. Mais clairement, il y a beaucoup d'informations qui donnent les combattants en partance, alors en retraite vers l'Irak, que les Russes n'ont pas attaqué, et qui théoriquement devrait être pris par l'Irak, hein, par les forces légitimes irakiennes, aidées et soutenues par les Américains. Mais là aussi, depuis environ 2 ans, les interventions américaines anti-État islamique sont tellement nébuleuses qu'on a du mal à croire à une intervention musclée des Américains dans le sens de l'Irak qui retrouverait ou recouvrerait sa légitimité, etc. Voilà, donc... Là aussi, la communication est pas claire du côté des Américains. Bah, c'est très compliqué parce qu'on est en vrai, là, on est vraiment dans la géopolitique dure, un peu le temps court et le temps long qui se conjuguent. Mais il se passe vraiment énormément de choses profondes au Proche-Orient. Et effectivement, on a une reconfiguration et un repositionnement, enfin une reconfiguration des relations internationales là-bas et un repositionnement de l'Empire, hein, dans la région. C'est-à-dire que les États-Unis et la Russie officiellement s'en vont de la Syrie et de l'interventionnisme, mais de plus en plus de questions se posent par rapport à... Enfin, c'est-à-dire que le conflit se déplace, le conflit est en train de se déplacer vers l'Irak, vers le Liban. Le Liban est de plus en plus affaibli et le Liban est peut-être la prochaine victime de ce qu'on va appeler cette attaque impérialiste. On voit aussi de plus en plus un conflit émerger entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui... Derrière, effectivement, cache le conflit plutôt Poutine-Erdogan. Voilà. Donc, on a encore des lignes profondes là-dedans. Et effectivement, ça se redéplace vers la Libye. Et qui dit se redéplacer intéressant pour nous, qui dit se redéplacer vers la Libye, c'est-à-dire repositionner sur l'Afrique, et voire même avoir des conséquences sur l'Afrique du Nord. Et c'est-à-dire, là, on peut se poser la question de l'Algérie, du Maroc, et même des répercussions que ça pourrait avoir sur la France. C'est-à-dire que finalement, le combat continue, le combat se déplace, c'est tout. Sur l'Algérie, on a vu BHL intervenir dernièrement. Oui, avec des propos relativement menaçants. Mais, c'est très inquiétant. Oui, et ce qui s'est passé aussi, l'information date d'hier, les Tunisiens viennent de signer un partenariat avec les Américains sur la livraison d'armes, donc théoriquement pour avaliser le pouvoir tunisien, qui est encore fragile, et pour lutter contre le terrorisme, puisqu'ils ont vécu des attentats l'été dernier encore. Et donc, on remarque aussi que le terrorisme s'accompagne souvent d'une intervention américaine en tant que grand pacificateur ou grand défenseur d'un pays qui devrait sauver sa démocratie, etc. Et la Tunisie est peut-être aussi sur la sellette. En tout cas, elle a été déstabilisée à plusieurs reprises. L'Égypte l'a été aussi. Apparemment, le général Al-Sissi, qui dispose de tous les pouvoirs, aujourd'hui fait figure un peu de gardien régional. Et par contre, les Égyptiens sont intervenus en Libye et avec des bombardements. Donc, la région entière du Proche-Orient jusqu'au Maghreb est devenue une zone de conflit avec effectivement une géopolitique complexe, chacun jouant sa carte, par exemple Erdogan rêvant d'une grande Turquie. Un sultanat. Ayant effectivement soutenu les rebelles contre Assad, ça s'est fait très ouvertement. Sauf que maintenant, la naissance d'un pseudo-Kurdistan au nord de l'Irak, qui serait sanctuarisé par les États-Unis n'arrange plus Erdogan. Et pour finir là-dessus, c'est-à-dire que la France, via l'Union européenne, via Erdogan, finalement a un pied dans le conflit, hein, via les négociations sur les réfugiés, et la France, via le Maghreb, peut avoir potentiellement un pied dans le conflit aussi, parce que si l'Algérie est déstabilisée, étant donné notre contingent de d'immigrés ou de fils d'immigrés algériens en France, ça peut avoir aussi des conséquences. L'Algérie... On a déjà eu avec le 11 novembre les attentats... Le 13 novembre, qui répondait peut-être à un calendrier intérieur, mais qui malgré tout a forcé François Hollande à changer d'attitude en Syrie. Est-ce que ça a eu un impact à 5 mois de l'attentat? Quel a été l'impact de cet attentat sur la position de la France? Officiellement, les attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis du 13 novembre sont la conséquence de l'intervention française en Syrie par des bombardements dont on a su assez rapidement qu'il n'était pas décisif d'un point de vue ni tactique, ni encore moins stratégique. Donc, ça serait la raison des tueries qui ont eu lieu et qui ont fait 130 morts en France, donc à mi-novembre. La France, théoriquement, depuis l'intervention russe, ne bombarde plus, en tout cas ne communique plus sur des bombardements. Le Charles de Gaulle est arrivé puis est reparti. On a une flotte qui a fait quelques sorties, mais rien à voir avec les milliers de sorties des MiG et autres Sukhoi russes. Donc la France avait un rôle déjà très faible en Syrie. Elle n'a pas changé l'ordre des choses et le rapport des forces. Et aujourd'hui, on n'entend absolument plus parler. Maintenant, on parle par contre, effectivement, en politique étrangère, en France, d'une intervention bis en Libye. Ah, ça, c'est sûr, effectivement, sur les carnets de François Hollande. En Italie aussi, ils en parlent beaucoup. Ouais. L'Italie qui, historiquement, est liée aussi à la Libye. Oui, et pour rebondir sur l'Algérie, donc on a vu Manuel Valls chez Bouteflika, donc il y a eu une petite histoire sur le fameux tweet, la fameuse photo où il a relayé une photo de Bouteflika à l'agonie, à moitié mort, parce qu'il faut le dire, c'est quasiment une momie qu'il conserve en vie pour gagner du temps, parce qu'il y a des clans derrière Bouteflika qui tiennent réellement le pouvoir en Algérie. Il y a son frère qui tient... Dans des liens familiaux, hein. Et effectivement, ils essayent au maximum de gagner du temps pour pouvoir se repositionner, parce que ça va devenir très compliqué une fois qu'il ne sera plus là. Donc Manuel Valls a créé une petite polémique là-dessus, mais c'est une polémique, microscopique, qui cache des enjeux bien plus profonds, puisqu'en parallèle, effectivement, BHL appelle à une sorte de déstabilisation de l'Algérie. L'Algérie qui, au point de vue géopolitique, pourrait effectivement résister ou être un facteur de résistance à la déstabilisation plus globale qui serait impérialo-daïchienne, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Parce que pour d'un point de vue... on pourrait même... certifier une sorte d'axe maroco-algérien qui pourrait résister à cette tornade djihadiste, parce que le Maroc, par exemple, est d'orientation un peu plus soufie au niveau de la religion. L'Algérie n'a pas une tradition wahhabite comme le terrorisme qui vient d'Arabie Saoudite. Et si l'Algérie et le Maroc arrivaient à s'entendre, il pourrait résister, plus ou moins en tout cas, être un pilier de résistance à la tornade impérialo-daïchienne, mais via des déstabilisations comme BHL ou comme, vous savez, il y a une fameuse divergence sur le Sahara, entre le Maroc et l'Algérie, donc ils vont jouer là-dessus pour déstabiliser l'Algérie. Et que fait la France dans toutes ces questions? Rien, elle ne fait que suivre les intérêts de l'Union européenne, de l'OTAN, passer des accords avec le Qatar, mais elle ne se positionne pas du tout comme elle devrait se positionner. Dimitri. Alors, sur l'Algérie, je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, mais une chose est sûre, c'est qu'avant tout le monde, ils ont subi ce que tu appelles la tempête impérialo-daïchienne. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais dans les années 90, les GIA ont été financés, pour ceux qui étaient réels et non pas noyautés par les forces de sécurité intérieure ou l'enseignement militaire algérien. Donc ces terroristes algériens ont été financés par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a déstabiliser clairement l'Algérie. Et la déstabilisation, alors après ces 10 années de guerre civile terrible, s'est poursuivie. On l'a vu avec la prise d'otage d'Amenas, le grand complexe gazier du sud algérien, qui est très difficile à contrôler et à sécuriser. Et on a vu qu'il y a, je crois, une quarantaine de morts, que des travailleurs étrangers, occidentaux, ont été fusillés, etc. Voilà, juste une chose, c'est que l'Algérie est déjà en déstabilisation. Oui, bien sûr. Mais le sud algérien est difficile à tenir, les frontières sont immenses, et au nord du Mali arrivent toutes sortes de bandes qui ne sont pas forcément contrôlées par les Français et les forces tchadiennes. Et est-ce qu'on constate juste deux choses Pour conclure, deux choses là-dessus. En parallèle et en attendant, la France ne pense qu'à brader son patrimoine au Qatar, hein, comme on l'a vu récemment. Avec Fabius. Voilà, donc la France, en attendant, par rapport à toutes ces questions brûlantes, ne pense qu'à faire rentrer du pognon en bradant tout ce qu'elle a. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe? La colonisation en Cisjordanie et en Palestine continue de plus belle, les massacres et compagnie, et ça n'inquiète personne. Voilà. Dimitri Corias, Pierre Debrague, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Nous essaierons d'en organiser une par mois. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Shaman Joe. Son nouvel album est disponible sur le site contreculture.com. L'album s'intitule Et après, nous allons écouter Les Anges. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Va donc voir l'enfer du décor. Scruter ta vie, putain de sort. Y'a rien de plus beau qu'une étincelle dans ta mémoire greffée des ailes. Les anges sont partis sous la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sous la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les sirènes sont restées au port, l'humanité gérée par des porcs. Elle se saoule dans des transes, dans des chants de décadence. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les chevaliers d'antan dépriment leurs armes confisquées par la firme. Leurs blasons ont été tagués, l'emblème de la paix saccagé. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Ils ont volé nos terres, piétiné nos prières. Mais ils n'ont pas gagné la guerre, ça non. Non, ils ne gagneront pas cette guerre. Les anges sont partis sur la lune, fatigué de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Cette dictature, on n'en veut pas. Les peuples se soulèvent ici et là. Le nouvel ordre mondial déchu. Hey. Si les soldats ne se battaient plus, non. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes.